qui sont fait voyager. La la la la la. Une envie de quitter la cité. La la la la la. L'argent ça nous a incité. La la la la la. Quand c'est ça qu'on va voyager. La ma la la la. Direction le showcase en s'essuie glace. L'ami j'ai le cœur glacé. Tes beaux yeux m'ont fait oublier. Prouver les stagnés, je vais te retourner. Oh. Là c'est quand je tourne, ça fait des TP. Oh. Que ça lève toute la journée. La voie les îles, on voit le quartier. Là les yeux, je t'aime bien, tu prends la jette. Tous les palmiers, les cocos. Le guitar crie hasta luego. Ça m'écoute, ça va la coco. Clio, trois pas de merde. Oh. Monte avec nous dans le vito. Muchacha de Colombiano. Me gusta, me gusta vos. Prends le billet de Puerto Rico. Prison, ouais, c'est...